moi je m'appelle Eleonore Merza, Merza Bronstein, mon nom a été, c'est élargi. Je suis anthropologue du politique, alors je vais dès le départ vous montrer dans la façon dont je me définis que je sors un petit peu des cadres universitaires stricto sensu. Alors moi je suis anthropologue du politique, je suis féministe et je suis une militante aussi anticolonialiste. Et ça va être important dans la façon dont j'ai mené mes recherches et dans mon parcours professionnel jusqu'à présent. Alors moi, je suis spécialiste de la société israélienne contemporaine. J'ai fait ma thèse de doctorat à l'EHESS à Paris et ma thèse portait sur une toute petite communauté israélienne, mais pas juive, et musulmane, mais pas palestinienne, qui s'appelle les Tcherkesses, dont je vais vous parler maintenant. Alors j'ai décidé de... Le fil conducteur en fait de ma présentation va être un peu de partir des questions de citoyenneté, d'identité, de minorité, qui sont des concepts que vous maniez beaucoup dans cette équipe, mais qui sont en fait des concepts qui sont... la citoyenneté, par exemple, est un concept qui est très peu manié en anthropologie. Alors, pour moi, ça va parce que j'ai été formée à l'EHESS et on a une vraie tradition transdisciplinaire. Donc je me sens en famille avec les sociologues, même si parfois vous nous malmenez un petit peu en termes de méthodologie, mais on va revenir dessus. Puis après je vais revenir sur ces catégories à l'œuvre en Israël, parce qu'Israël est un État jeune, c'est un État qui est en guerre permanente et c'est un État qui se définit de façon ethnique, donc qui pose dès sa définition en fait une césure franche entre nous et les autres. Donc on va revenir dessus. Et puis je glisserai après sur la façon dont on a construit à partir de deux minorités. Je prends l'exemple de deux minorités, les Tcherkesses à qui j'ai dédié ma thèse et les Palestiniens sur lesquels je travaille beaucoup plus depuis mon post-doctorat et actuellement. Et je vais essayer de vous montrer comment deux minorités ont été construites, l'une comme minorité préférée et l'autre comme ennemi de l'intérieur. Et je pense que ça sera éclairant sur les mécanismes à l'œuvre dans la société israélienne contemporaine. Et enfin, j'interrogerai ma propre position de chercheur. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une chercheure militante, d'être une chercheure sur un terrain en guerre, ce qu'on appelle un terrain sensible? Il y a des particularités sur ce genre de terrain. Et puis, je finirai par vous décrire l'ONG que j'ai cofondée il y a à peu près 2 ans et qui est un centre alternatif de recherche, toujours sur Israël-Palestine, qui est basé à Tel Aviv. Donc je remercie vraiment l'équipe de m'avoir invité depuis Tel Aviv. C'est un réel plaisir d'être là, c'est un honneur pour moi. Donc merci à toutes et à tous de m'accueillir. Je vous remercie. Et donc je finirai par vous montrer un petit film pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça veut dire de travailler dans la société israélienne et quelle a été notre posture, Eitan Bronstein et moi, l'autre cofondeur, de réinterroger nos pratiques de chercheurs et d'essayer de voir comment produire des connaissances qui peuvent être accessibles au-delà des cercles d'experts, en fait, puisque la recherche pour toutes et pour tous est quelque chose qui a vraiment animé dès le départ la création de Decolonizer. Alors ma thèse de doctorat interrogeait le dialogue entre minorité et État, et en particulier les stratégies d'alliance et les mesures de distinction qui ont été menées envers les différentes populations qui n'appartiennent pas aux groupes dominants et les politiques d'identité nationale. Alors, en interrogeant les identités collectives et les représentations politiques des groupes, j'ai aussi essayé d'interroger, comme je vous le disais tout à l'heure, un champ qui a été peu développé par l'anthropologie, qui est celui de la citoyenneté. Alors, la littérature scientifique sur les problématiques citoyennes, elle est très riche, mais elle a longtemps, en tout cas en anthropologie, englobé des concepts d'identité, d'ethnicité, qui sont aussi des concepts un peu sensibles à manier. Et alors, pour nos collègues de sciences politiques ou de sociologie, vous avez, dans des recherches plus contemporaines, vraiment, vous avez théorisé l'importance du concept de citoyenneté, mais en anthropologie, l'anthropologie de la citoyenneté est quelque chose qui est encore en construction. On l'a souvent considéré à partir de ses seules dimensions statutaires, mais pour nous autres anthropologues, la citoyenneté, ou plutôt les citoyennetés, se saisissent en fait de manière plus dynamique. Donc je vais d'abord vous présenter ce que ça veut dire en termes légal, parce que c'est un cadre qu'il faut poser, mais ce qu'on va surtout interroger, c'est qu'est-ce que c'est qu'être israélien en fait? Comment on peut être israélien et est-ce qu'on peut être vraiment israélien quand on n'est pas juif? Alors, ma thèse portait sur une population qui s'appelle les Tcherkesses. Les Tcherkesses, c'est une population de tradition orale du Nord-Caucase. Et je me suis plus particulièrement interrogée sur la migration tcherkesse dans l'Empire ottoman et la toute petite communauté qui arrivait en Palestine. Alors, pour vous resituer, les Tcherkesses sont des sujets de l'Empire ottoman. Ce sont des musulmans qui appartiennent des sujets de l'Empire. Et il va y avoir, le Caucase va être le lieu d'affrontement entre les puissances coloniales, donc entre l'Empire ottoman et la Russie tsariste, qui vont se solder après plus de 100 années de combat par la victoire tsariste, l'occupation graduelle du Caucase, le génocide de plus d'un million de Tcherkesses et le départ en exil forcé de près de 2 millions de Tcherkesses. Comme ils étaient sujets de l'Empire ottoman les a utilisés, ces populations. Ils sont partis en migration dans ce qu'étaient alors les frontières de l'Empire. Donc il n'y avait pas de Palestine, il n'y avait pas de Syrie, il n'y avait pas de Jordanie, il n'y avait pas de Liban, évidemment. C'était un empire démesuré. Évidemment, l'Empire ottoman n'est pas muet uniquement par des enjeux altruistes, hein, de sauver ses populations musulmanes. L'Empire ottoman est aussi lui-même en train de chuter. Et il a besoin de ces populations mercenaires, ces populations tcherkesses, pour casser les poches de résistance. Donc les tcherkesses vont d'abord être mis à la frontière gréco-bulgare, puisque c'est là que se jouaient les premières velléités d'autonomie et d'indépendance. Et puis, quand ces républiques vont devenir indépendantes, les tcherkesses ne vont plus être utiles à cette frontière, et ils vont encore repartir en exil, et les voilà qui repartent plus au Proche-Orient. Et moi, je me suis intéressée sur les 4 500 Tcherkesses qui ont débarqué par le port de Kissaria et d'Akko et qui sont actuellement en Israël. Alors, il y a deux villages Tcherkesses en Israël, Kfar Kama et Rihania. Kfar Kama se situe près du lac de Tibériade et Rihania près de la frontière libanaise, à 3 km seulement de la frontière libanaise. Et en fait, c'est une communauté qui est établie sur le territoire depuis 1880 et qui va connaître, dans un temps historique assez court, trois dominations politiques. Donc d'abord ottomane, britannique et puis israélienne. Comme 24% de la population israélienne, les Tcherkesses ne sont pas juifs, mais ils possèdent cette citoyenneté légalement. Dès la période mandataire, dès le Yishuv, en fait, le Yishuv, c'est la présence juive en Palestine historique. Et le Yishuv va déjà construire un proto-État. Il y a déjà un organe de justice, un organe militaire et un organe de pouvoir qui vont devenir en fait des structures très importantes du futur État hébreu. Et dès le départ, une politique de distinction des minorités est menée par le Yishuv. Ce qu'on va voir dès le départ, c'est que les écrits sionistes ne pensent pas nécessairement ce qu'on appelle Abaya Aharavi, le problème arabe. Il n'est pas exactement pensé, on ne pense pas au devenir des populations arabes, puisque très tôt dans les écrits, notamment dans les écrits de Ben Gourion, il est question du transfert d'une partie des populations dans le but d'établir un État juif. Alors on va revenir aussi sur ce que veut dire un État juif. Les Tcherkesses et les Druzes sont deux minorités particulières qui vont, dès le départ, dès l'Ishouv, engager des relations de solidarité avec ces nouveaux migrants juifs. Qui sont les populations juives qui arrivent en Palestine historique? Ce sont des migrants, ce qu'on appelle des olim. Les vagues de démographie israélienne se sont conçues sur ces vagues d'aliyah. L'aliyah, c'est ce droit reconnu aux juifs de diaspora de venir s'installer en Israël et de devenir israélien. Et donc, à l'époque, on est bien avant la création de l'État d'Israël, mais déjà des populations juives sont en train de fuir l'antisémitisme, notamment en Russie, et arrivent et commencent à peupler la Palestine historique. Les Palestiniens commencent à comprendre qu'il va y avoir, avec cet afflux d'Européens, qui commence à y avoir un problème, des heurts commencent à éclater, et les Tcherkesses vont prendre, pour plein de raisons différentes, notamment en raison du très mauvais accueil qui leur a été fait quand ils sont arrivés, mais aussi une proximité linguistique. Les Tcherkesses parlent tcherkesse et ils parlent russe, les Palestiniens parlent arabe, ils n'arrivent pas à se comprendre, et ces premiers migrants dont je vous ai parlé parlent russe aussi, et ils sont voisins géographiquement. Les points Les premières collectivités sionistes se trouvent à réelle proximité géographique de ces deux villages tcherkesses, et donc c'est des gens avec qui ils arrivent à communiquer en russe. Donc, 1948 arrive quelque chose dans le vocabulaire palestinien qui s'appelle la Nakba. La Nakba, c'est un mot en arabe qui désigne la catastrophe et qui désigne l'expulsion de 750 000 Palestiniennes et Palestiniens du territoire et la destruction de près de 615 localités. Une décision politique va être prise dès le départ de ne pas détruire ces villages druzes et ces villages tcherkesses, qui ne sont donc pas des villages juifs. Ils vont être autorisés à rester. On reviendra dessus. Et donc, dès le départ, il va y avoir pour le leadership sioniste une forte distinction entre les Palestiniens et les autres minorités non-juives. Les Tcherkesses et les Druzes, en termes de nombre, on est évidemment sur des chiffres beaucoup plus petits que la minorité palestinienne, donc ils ne représentent pas un danger démographique. Et surtout, et les Druzes et les Tcherkesses n'ont pas un rapport, j'allais dire sacré, en tout cas historique, à cette terre. La Palestine n'est pas leur terre. Ils la revendiquent. Les Tcherkesses, par exemple, leur terre, c'est le Caucase. Ils ont toujours cet espoir de retourner vivre dans le Caucase. Et donc, la Palestine n'est pas un enjeu pour eux. Dès le départ, ces deux minorités vont avoir un traitement particulier. Par exemple, en 1950, donc on est seulement 2 ans après la création de l'État d'Israël, Kfar Kama, qui est un des deux villages tcherkesses, va être reconnu comme le premier conseil local non-juif. Être reconnu comme un conseil local, ça veut dire aussi avoir un raccordement à l'eau potable et à l'électricité, ce qui était extrêmement rare dans les localités non-juives. Au-delà des aménagements qu'il y a eu pour ces communautés, il n'y a pas vraiment de politique spécifique pensée pour ces deux populations, puisque jusqu'à 1948, le projet sioniste a été d'établir un État, pas uniquement où les Juifs pourraient enfin vivre en sécurité, mais un État juif. On reviendra aussi sur ce que ça veut dire un État pour les Juifs, un État des Juifs, un État juif. C'est des mots, des concepts un petit peu différents. Les Tcherkesses présentent cette combinaison un peu particulière d'être ni juif ni arabe palestinien. Alors dans le cadre de la société contemporaine israélienne, c'est un peu compliqué parce qu'ils répondent vraiment à aucune des catégorisations que l'État attend d'eux. Et donc ces assignations, être israélien et musulman, puisqu'ils sont arabes, ils sont musulmans mais pas arabes, et ils sont israéliens mais ils sont pas juifs, n'ont pas été faites pour fonctionner ensemble. On va le voir dans les catégories. Et l'exemple des Tcherkesses, pour moi, apporte un éclairage un peu nouveau sur l'équation complexe des terminologies et sur l'inexistence d'une nationalité israélienne. Alors, ça dit comme ça, c'est un petit peu compliqué. Il y a la vernacularisation des termes des chercheurs, et aussi quelque chose qu'il faudra interroger dans les contextes locaux, parce que par exemple, en Israël, les termes de citoyenneté, ezrachut et nationalité, les nomout, sont des mots différents, mais qui sont utilisés de façon synonymique. Donc par exemple, on ne peut être israélien qu'à l'étranger. Je m'explique. En tant que citoyen israélien, on a un passeport israélien et une carte d'identité israélienne. Le passeport israélien fait de vous un Israélien à l'étranger. Par contre, au sein d'Israël, vous êtes juif, ou arabe, ou druze. Il y a plus d'une centaine de ce qu'on appelle les léoms. Les léoms, c'est ces nationalités. Et donc, vous pouvez être est-allemand, par exemple. Vous pouvez être hongkongais. Il y a une centaine de léoms que vous pouvez définir en fonction de vos origines. Donc, on a tout un tas. Et juif, juif est aussi un léom. Alors, ça pose aussi la question de qu'est-ce que c'est qu'être juif ? Est-ce que c'est une religion ? Est-ce que c'est une nationalité ? Marx a déjà beaucoup travaillé sur la question. C'est quelque chose qu'on ne tranchera pas aujourd'hui. Mais c'est vraiment, ça interroge sur les catégories. Alors, les Tcherkesses ont un léom particulier. Et j'ai commencé par interroger comment c'était possible qu'un petit groupe de 4500 personnes avait une identité spécifique reconnue par l'État. Depuis le départ, l'État d'Israël et avant le Yishuv a eu une politique de distinction de ces minorités dans le but affirmé, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut essayer de deviner, d'affaiblir l'ensemble non-juif. Affaiblir l'ensemble non-juif, ça veut dire quoi? In fine, c'est affaiblir l'ensemble palestinien. Ça, je vous l'ai dit, je voudrais juste revenir sur cette petite définition. Pendant ma thèse, j'ai rencontré un linguiste israélien qui s'appelle Uzi Ornan. Et il a fondé une association qui s'appelle Ani Israeli, je suis israélien. Et alors Ani Israeli milite pour la reconnaissance d'une nationalité israélienne qui n'existe pas, non, puisque vous pouvez être juif, mais pas israélien en Israël, ce qui est quand même un peu étrange. Et je voudrais vous lire une partie de l'entretien que j'ai mené avec lui. Dans tous les pays où ils vivent, les juifs ont une nationalité reconnue officiellement. Imaginons d'ailleurs, et à juste titre, le scandale que cela provoquerait si sur des documents comme leur carte d'identité, ils étaient résumés à « juifs ». Je n'ai aucune envie que soit inscrit « juif » sur mes documents d'identité. C'est personnel, ça ne regarde que moi si je suis religieux ou pas. Alors lui, il a choisi, hein. Qu'est-ce que ça veut dire d'être juif ? Eh bien en Israël, et même si la déclaration d'indépendance stipule le contraire en affirmant que tous les citoyens israéliens possèdent la même nationalité, ce n'est pas le cas. Tu peux être juif, hongkongais ou arménien, mais tu ne peux pas être israélien en Israël. Alors, en créant ces catégories différenciées et en encourageant l'énonciation d'identité collective particulière de ces micro-communautés, en fait, ces communautés vont se politiser officiellement. Et ça va être quelque chose d'important. En plus, les droits alloués aux différents groupes, et bien que leurs privilèges restent mesurés hein, par rapport à l'ensemble du groupe ethno-dominant juif, permet à Israël de montrer que juifs et non-juifs peuvent vivre ensemble. C'est une carte qui est mobilisée, la carte de la pluralité d'Israël, la carte du vivre ensemble est quelque chose qui est mobilisé par Israël pour, in fine, montrer que quand la cohabitation ne se passe pas bien, c'est du ressort des Palestiniens, puisque vous voyez, il y a des citoyens musulmans avec lesquels ça se passe bien. C'est ça qui est développé par la rhétorique israélienne. Dans ma thèse, je me suis particulièrement intéressée à la façon dont les Tcherkesses sont construits comme minorité distinguée et comment ils ont ingéré ces distinctions pour les faire leurs, en fait. Et donc, les Tcherkesses vont marquer très clairement une distanciation par rapport au peuple palestinien. Donc, par exemple, dans les villages Tcherkesses, il n'y a pas publiquement de manifestation de solidarité avec le peuple palestinien. Dans les faits, les Tcherkesses vont vous dire « nous ne sommes pas des Palestiniens, nous ne sommes pas des Arabes », ce qui peut être vrai, ils sont caucasiens. Mais en Israël, l'identité palestinienne est une identité politique qui est mobilisée notamment depuis la seconde intifada. Je reviendrai un petit peu dessus. S'ils ne sont ni juifs, ni palestiniens, ni druzes, les Tcherkesses vont quand même mettre en place des solidarités différenciées avec les juifs, avec les palestiniens et avec les druzes. D'abord, ce sont des musulmans. Donc, en tant que tels, ils sont musulmans sunnites, comme la plupart des palestiniens. Et donc, en tant que tels, ils sont rattachés à ce qu'on appelle la figure de l'Oumma, c'est-à-dire la communauté des musulmans. À ce titre-là, ils ont des solidarités religieuses particulières mises en place avec la communauté palestinienne. Ils vont mettre en place des solidarités politiques avec les juifs israéliens. Ça va passer notamment par la participation au service militaire. Le service militaire en Israël, c'est 3 ans pour les hommes, 2 ans pour les femmes. C'est un service qui est obligatoire pour 3 catégories de citoyens. Pour les juifs, pour les druzes et pour les tcherkesses. Pour tous les autres citoyens, l'armée, qui est quand même le vecteur principal de socialisation d'israélité, n'est pas obligatoire. Il y a une toute petite minorité de citoyens palestiniens qui font l'armée. Une anthropologue palestinienne leur a consacré beaucoup de travaux, c'est passionnant. Elle explique quelle est la sociologie en fait, de ces Palestiniens qui font l'armée et les ressources sont immenses. Il y a des Palestiniens qui font l'armée dans le but de protéger les leurs. Il y en a d'autres qui font ça parce qu'ils croient au projet colonial. Les choses sont très très variées, mais ça représente une toute petite minorité, car tant que l'armée israélienne est perçue par les Palestiniens comme une armée d'occupation qui oppresse une autre partie des Palestiniens, c'est très difficile pour les Palestiniens, évidemment, de participer à ce projet. Les Tcherkesses, qui ne se définissent pas comme Palestiniens et qui sont très loyaux à l'État qui les accueille, eux, pour le coup, n'ont aucun problème à assumer pleinement cette israélité et à faire l'armée. Ce n'est pas un cas isolé. Les Tcherkesses de Jordanie sont les gardes du roi Hussein et du roi Abdallah. Parce que je suis restée un petit peu au roi ancien, mais les choses évoluent même en royauté hachémite. Les Tcherkesses en Syrie se retrouvent autour de Bachar el-Assad. Les Tcherkesses, quel que soit le pays hôte, se retrouvent concentrés autour du pouvoir. Donc pour les Tcherkesses que j'ai interrogés, ils me disent « si on était dans un État palestinien, on n'aurait aucun mal à se définir comme palestinien. S'il y avait une armée palestinienne, on ferait l'armée palestinienne. Il se trouve qu'on est dans un État qui s'appelle Israël et nous sommes des citoyens israéliens. » Sauf que, dans la Constitution, que ce soit légale ou concrète, en acte, être un citoyen dans un État qui se définit comme un État juif, il y a, dès le départ, deux sphères d'appartenance. Il va s'accompagner d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un Israélien ? La construction du nouvel homme israélien, homme avec un grand H évidemment, hein, je parle de femme comme d'homme, va s'accompagner un peu avec la même imagerie d'ailleurs que le nouvel homme soviétique. Il faut quelqu'un de fort qui travaille la terre, qui travaille un esprit saint dans un corps saint. Et la construction de cette israélité, elle va être surtout construite en opposition avec l'image du juif de diaspora. Alors le juif de diaspora, dans la rhétorique sioniste, c'est un juif qui s'est perdu, c'est un juif faible, qui nourrit les dangers de l'assimilation. Et la création de cette israélité, elle se fait aussi après la Shoah, sur ce « jamais, jamais encore ». Et donc, cette israélité, elle va se construire avec un projet très fort de désarabisation. Alors, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable pour l'establishment sioniste qui vient d'Europe, en fait, qui est un establishment ashkénaze, blanc, européen, qui importe au Proche-Orient une petite forteresse européenne. C'est comme ça que Ben-Gourion aime à définir le projet en Palestine historique, mais c'est quelque chose qui va être très difficile à embraser pour tout ce qu'on appelle les populations mizrachites. Les populations mizrachites qu'en France, on appelle souvent séfarades, en fait. En France, on fait la distinction entre ashkénazes et séfarades, mais en fait, en termes de lexicographie, séfarades, c'est une réalité particulière, ce sont les juifs d'Espagne. Mizrachi, ce sont, par définition, c'est une définition un peu sceptique puisqu'elle est en opposition aux ashkénazes. C'est les juifs qui ne sont pas ashkénazes mais qui représentent essentiellement les juifs des pays arabes, du Caucase et ce qu'on appelle les juifs orientaux. L'establishment sioniste est blanc, il est ashkénaze et dès le départ il va y avoir un problème avec l'arabité de ces juifs arabes. On se rappelle des carnets de Ben-Gourion qui dit mais qu'est-ce qu'on aurait à apprendre de ces juifs marocains qui sont assis par terre et qui mangent le couscous avec les mains. Il y a une obsession anti-levantine qui est très forte dans une partie de l'establishment sioniste et ça va jouer aussi sur les catégories de citoyenneté. Les gens qui sont au pouvoir en Israël viennent tous d'origine, sont tous d'origine ashkénaze et il y a une imbrication très forte entre le pouvoir militaire et le pouvoir civil. Donc pour être à la tête de l'État, il y a des catégories, il faut être ashkénaze et avoir été haut gradé dans l'armée. Jusqu'aux années 70, il y a eu un quota d'étudiants mizrahis à l'université. C'est-à-dire que tous les étudiants, tous les mizrahis ne pouvaient pas faire d'études. Et on parle déjà d'une population qui était fortement précarisée. Hein. C'est une population qui a été très instrumentalisée par Israël. Et Israël est allé chercher ces juifs en Irak, au Yémen, les a sortis de leur arabité, de leur yéménité, de leur irakité et les a transformés en israéliens. Sauf qu'on les a transformés sur le papier, mais qu'en réalité, les choses ont été un petit peu compliquées. Alors, ce que ça signifie, c'est que par un processus historique un peu différent, tous les groupes, qu'ils soient juifs ou non juifs, mais qui n'appartiennent pas à ce groupe ashkénaze, vont être périphérisés, vont être minorisés. Actuellement, on a en Israël à peu près 76% de population juive et 24% de population non-juive. Parmi ce public non-juif, la composante majoritaire, un peu plus de 30%, est palestinienne. les Palestiniens sont catégorisés, et là aussi c'est important de dire, comme des Arabes israéliens. Alors moi je n'utilise pas la catégorie d'Arabes israéliens, j'utilise la catégorie politique de Palestiniens en Israël. La catégorie arabe israélien est une rhétorique utilisée par Israël pour, encore une fois, séparer le groupe palestinien, comme il y aurait des Palestiniens dans les territoires occupés, et puis ceux qui sont restés chez nous, ce seraient nos Arabes, en fait, nos Arabes israéliens. Et moi, en tant qu'anthropologue, j'ai à cœur quand même de reprendre la terminologie utilisée par les acteurs eux-mêmes, qui se définissent comme Palestiniens en Israël. Donc c'est la définition que je vais utiliser. Un événement va être très très très formateur dans cette israélité, c'est les événements d'octobre 2000. Alors je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous, octobre 2000. Octobre 2000, Ariel Sharon foule l'esplanade des mosquées. C'est un acte qui est ressenti comme un acte d'humiliation et de provocation très fort parmi toute la communauté palestinienne. Et les Palestiniens en Israël se mettent en grève générale en soutien avec l'intifada qui commence dans les territoires occupés. Quand on parle de territoires occupés, on parle des territoires occupés en 67. On pourrait revenir dessus aussi. Pour certains historiens et anthropologues, notamment des radicaux israéliens, l'occupation ne commence pas en 67, elle commence en 48. C'est des choses sur lesquelles on pourra discuter éventuellement. Les Palestiniens en Israël entament une grève générale, se mettent en manifestation, et Oud Barak, qui est alors ministre de l'Intérieur, donne l'ordre de mettre fin à ce mouvement par tous les moyens possibles. Par tous les moyens possibles, quand on a une police et une armée surarmées, c'est tous les moyens possibles, il va y avoir 13 morts. Et ces émeutes vont être construites et décrites par une partie des médias qui va reprendre le discours de l'État comme une intifada de l'intérieur. Et c'est là que va commencer à se construire cette catégorie d'ennemis de l'intérieur, en fait. Les Palestiniens sont décrits comme une cinquième colonne. Et c'est là que, finalement, les Israéliens se rendent compte que ceux qu'ils appellent jusque-là les Arabes israéliens et à qui ils sont persuadés d'accorder les mêmes droits sont en fait une composante du peuple palestinien. Et là, c'est le gros choc pour les Israéliens qui connaissent très mal et qui sont vraiment persuadés que ceux qu'ils appellent les Arabes israéliens ont les mêmes droits qu'eux. Il y a eu des sondages qui ont été faits auprès de la population juive israélienne, et le sentiment dominant qu'il y a eu face à ces émeutes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont bloqué le pays pendant 3 jours, elles ont bloqué les routes. Alors c'est embêtant quand on bloque les routes parce que vous arrivez en retard au travail, etc., etc. Et les Israéliens, complètement incapables de comprendre ce qui se passait côté palestinien, n'ont vu que la gêne occasionnée. Et ils ont commencé à décrire un très fort sentiment, c'est ce qui ressort de ce sondage, un sentiment de trahison. Ils se sentent trahis par ces citoyens à qui ils pensent accorder les mêmes droits. Et c'est là que les Israéliens commencent à découvrir qu'il y a un double système et de citoyenneté et de justice pour les citoyens. Et l'establishment va continuer à axer... Alors, on a d'abord eu une désarabisation de l'israélité, et là, on a un phénomène un peu en miroir qui est de désisraélisation de la population palestinienne. Donc, ils ne sont plus les nôtres, ils sont les leurs. L'identité collective israélienne est construite essentiellement en opposition. Donc reconnaître leur Nakba, c'est renier, c'est diminuer un peu notre Shoah. Leur accorder le droit au retour, c'est nous mettre en danger. Jamais dans la construction collective israélienne, le vivre ensemble est une option tangible, en fait. C'est quelque chose qui est de l'ordre du fantasme ou des militants un peu gauchisants comme nous. Je voudrais juste rappeler que c'est à ce moment-là que c'est ces émeutes qui vont être aussi l'occasion d'insister sur l'identité juive d'Israël et qui va mettre au cœur de la citoyenneté la question de la loyauté. Là, cette fois, non plus la question de la loyauté à Israël, mais la question de la loyauté à Israël comme État juif. Et ça, c'est une définition qui est très problématique pour tous les citoyens qui pouvaient se sentir palestiniens en Israël ou israéliens, mais qui ne sont pas juifs. Pour preuve, de grandes études ont été faites sur les symboles nationaux dans lesquels il est très difficile pour des citoyens non-juifs de se reconnaître. Le drapeau israélien, c'est une étoile de David qui est un symbole très fort du judaïsme, mais qui ne correspond pas à l'identité de 25% de ses habitants. L'hymne national chante le retour à Sion, qui est quelque chose d'inconcevable pour les non-sionistes, qui représentent d'ailleurs pas toute la population juive. Il y a aussi des juifs qui ne sont pas sionistes en Israël. Les billets de banque ou les pièces sont marqués d'une menorah. La menorah, c'est un chandelier juif, et de figures importantes du sionisme. Et donc, il y a tous ces symboles, en fait, qui sont censés être des symboles nationaux, qui, en fait, deviennent des symboles ethniques au sein d'un groupe qui, au sein d'un pays qui ne peut pas légalement représenter tous ses citoyens. Et je vais utiliser des mots, citer un petit peu les mots. Par exemple, Ovadia Yosef, qui est le leader spirituel du Chass, le Chass c'est un des partis Mizrahi religieux d'Israël, va décrire les Palestiniens sous ces termes-là. Les Palestiniens sont une vermine qui se reproduit comme des insectes et grouille comme des fourmis. C'est le genre de discours qui va être légitimé et qui vont être en fait le point de départ de la politique israélienne jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, en 2017, on a le gouvernement le plus à l'extrême droite de l'histoire israélienne, avec un ministre de l'éducation, Naftali Bennett, qui dit qu'il a du sang d'arabe sur les mains et que ce n'est pas un problème. On a une ministre de la justice, Ayelet Shaked, qui dit qu'il faut génocider les Palestiniens sans oublier les mères, car ce sont leurs ventes qui reproduisent les terroristes. Ce sont des terminologies qui ne sont pas utilisées par le voisin, mais par les instances de pouvoir. Donc à partir de ce moment-là, toutes les digues sont lâchées, et il est évident que pour toute une partie de la population israélienne, on peut aller dans cette direction, puisque au plus haut lieu, c'est un vocabulaire qui est non seulement accepté, mais qui n'est jamais jugé. C'est-à-dire qu'aucun ministre n'est allé devant la justice pour ses propos et cette incitation à la haine. Il y a aussi dans la construction de cet ennemi de l'intérieur quelque chose qui marche fort bien en Europe, qui est aussi le ressort islamophobe. Alors on va construire beaucoup la figure du Palestinien en opposition avec notre Israélité éclairée, puisque après tout nous sommes des Européens, nous avons le bagage des Lumières, donc c'est quelque chose qui est très mis en avant dans l'esprit colonial en fait en Israël. Alors par exemple Avraham Bourg, qui depuis a un peu modéré ses propos, Avraham Bourg, contrairement à Ovadia Yosef, il représente la gauche institutionnelle. La gauche institutionnelle, c'est le parti travailliste, Avoda, qui est en fait l'héritier de Ben-Gourion. La gauche institutionnelle peut dire à la radio que les Israéliens vivent dans un système de valeurs occidentales, mais qu'il est parfois difficile de l'appliquer au Proche-Orient, décrit comme un autre hémisphère de fondamentalistes islamiques, de bombes humaines, de kamikazes, de tueurs d'enfants, de kidnappeurs et de gens que vous n'aimeriez pas que votre fille épouse. En plus d'être éminemment raciste et évidemment sexiste, ça c'est quelque chose de partagé partout dans le monde. On va assister à partir de 2002 à des choses complètement nouvelles. Par exemple, le ministre de l'Intérieur, Eli Yishai, va révoquer la citoyenneté israélienne de citoyens palestiniens. C'est notamment le cas à Jérusalem. Les habitants de Jérusalem ont un statut particulier. Ils sont résidents de Jérusalem. Et s'ils ont une partie de leur famille qui est dans les territoires occupés, ils ne peuvent en général même pas vivre ensemble. Et si vous êtes éloigné de Jérusalem pendant un certain nombre d'années, ça suffit à perdre votre statut de résident de Jérusalem. Pour la première fois, Eli Yishai, qui fait aussi partie du gouvernement Chass, va révoquer l'israélité de citoyens palestiniens en Israël, qui sont des familles de ce qu'on appelle des terroristes. C'est-à-dire qu'il y a une punition collective qui passe par la saisie de la citoyenneté. Vous êtes citoyen israélien, un membre de votre famille commet un attentat, c'est toute la famille, en fait, qui peut perdre sa citoyenneté. C'est quelque chose qui est absolument pas comparable. Il y a des attentats aussi commis par des juifs israéliens, et jamais l'israélité de ces citoyens-là n'est remis en cause. Un État qui se définit comme, comme une nation juive va poser des conditions de citoyenneté des groupes qui est un peu difficile. Dans la déclaration d'indépendance, on trouve mention d'égalité complète de droits pour tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe. Mon collègue Alain Dishkoff dit que un des problèmes réside dans la définition d'Israël qui se définit comme un État démocratique et juif. Il y a, pour beaucoup de gens en Israël, il n'y a pas de contradiction entre être un État juif, donc pour une partie de sa population, et un État démocratique. Cette définition, en fait, va être entérinée par une série de lois, et notamment la loi du retour. La loi du retour, ça va être la première loi qui va vraiment marquer une différence entre les citoyens juifs et les citoyens non-juifs. Cette loi au retour, elle permet à n'importe quel juif de diaspora, moi française, n'importe qui, d'aller vivre en Israël et de devenir israélien. C'est évidemment une loi qui ne s'applique qu'aux citoyens juifs, puisque les citoyens palestiniens qui ont été expulsés en 48, vous le savez, sont toujours réfugiés et n'ont pas le droit de revenir. Donc cette loi, dès le départ, instaure un différentiel. Et cette loi, elle date de 1950, donc on est vraiment très peu de temps après la création de l'État d'Israël. Alain Dishkoff dit que ce sont deux espaces référentiels concurrents, celui de l'appartenance ethno-nationale et celui de la citoyenneté, en fait, qui sont des choses différentes. Au sein de la sociologie, de l'anthropologie israélienne, il va falloir attendre 1978, donc c'est quand même assez tardif, pour inclure dans les études sociologiques ces juifs misrachim dont je vous ai parlé. On n'en est pas encore à inclure des citoyens non-juifs dans la sociologie de l'israélien, et ça c'est intéressant parce que ça veut dire aussi quand les disciplines de sciences sociales travaillant sur la citoyenneté ne prennent finalement en considération qu'un groupe, ça en dit long sur la façon dont ces citoyennetés sont mises en place. Moi, je me suis beaucoup inspirée d'un ouvrage de 2002 de deux Israéliens qui s'appellent Gershon Shafir et Yoad Pelez, qui s'appelle Being Israeli, être israélien. Et en fait, ce sont des chercheurs qui s'inscrivent dans un courant post-sioniste et qui qualifient dès le départ les Mizrahim de groupes semi-périphériques. Il va y avoir un travail très important de périphérisation de tous les groupes qui ne sont pas ashkénazes. C'est des périphérisations qui vont aussi passer par des périphérisations de classe. La société israélienne est une société extrêmement complexe et antagonique en termes de classe aussi. Il y a des très très riches et il y a des populations très très pauvres. On en discutait tout à l'heure, mais parler Israël en tant qu'objet d'étude, c'est assez rare, puisqu'en fait on voit toujours Israël au prisme du conflit et on oublie de regarder aussi ce qui traverse cette société et notamment les inégalités qui traversent aussi cette société. En Israël, alors moi j'ai un vocabulaire qui est un peu tranché. Moi je n'utilise pas le vocabulaire, je n'utilise plus le vocabulaire du conflit israélo-palestinien. Pour moi, ce que je vois sur le terrain, c'est une situation coloniale. Alors pourquoi je ne parle plus de conflit israélo-palestinien ? Parce que quand on met conflit israélo-palestinien, on met dans une certaine égalité deux populations, les Israéliens et les Palestiniens, qui devraient faire des efforts pour atteindre la paix, chacun devrait faire un pas vers l'autre. Et ce vocabulaire, il normalise en fait ce qu'on appelle l'occupation et les rapports de pouvoir. Il fait fi de l'occupation. On ne peut pas penser l'égalité quand dans le cadre juridique, dès le départ, l'égalité n'est pas pensée. Alors on peut se battre pour avoir les mêmes financements dans les villages. Les chiffres sont accablants. Les budgets alloués aux villages palestiniens du nord d'Israël représentent infiniment moins que les mêmes villages dans le même juif dans le nord d'Israël. C'est la même chose concernant le secteur de l'éducation. En Israël, il y a trois secteurs éducatifs, le secteur juif, le secteur arabe et le secteur druze. Donc selon que vous soyez un juif, un palestinien ou un druze, vous n'allez pas dans les mêmes écoles, vous n'avez pas les mêmes budgets à l'école et vous n'apprenez pas la même chose. Alors, mais qu'est-ce que c'est un druze? c'est pas. Oui, c'est vrai. C'est pas, il n'est pas. Ils sont pas avec. Enfin, y a pas une, c'est pas proche des juifs ou. Non. Les druzes, en fait, c'est une secte, un schisme. Ils sont considérés comme une secte. Eux ne se considèrent pas comme ça. C'est un schisme de l'islam qui a gardé des attributs de l'islam, mais qui croit, par exemple, en la rédemption et qui croit en la réincarnation. Donc, on a, c'est des, ils sont, de fait, par la communauté musulmane, exclus de l'Oumma, mais ils ne sont pas non plus des juifs. Donc, c'est une minorité avec un statut un peu particulier. Les Israéliens connaissent très peu les druzes, et quand vous interrogez les Israéliens sur les druzes et les tcherkesses, moi j'ai beaucoup interrogé les Israéliens, j'ai dit de quelle religion sont les tcherkesses, et les gens me disaient les tcherkesses sont de religion tcherkesse, parce qu'il était impossible pour ces Israéliens que les tcherkesses puissent partager ne serait-ce qu'une affiliation commune religieuse avec les Palestiniens. Et moi j'ai suivi les comités d'entreprise des municipalités israéliennes qui envoient leurs travailleurs dans les villages tcherkesses, parce que les villages tcherkesses ont dès le départ compris l'intérêt de la distinction et ils ont développé un tourisme à destination des Israéliens. Alors donc vous arrivez dans Kfar Kama ou à Rikhania, il y a quelqu'un qui vous accueille avec un costume traditionnel, sur le cheval on fait des coups de fusil, enfin, c'est quelque chose de très folklorique. Le folklore est quelque chose qui est très mis en avant en distinction, et on est pris en main. Et donc on vous explique l'histoire qui est effectivement vraie. Nous sommes un peuple qui, nous avons été génocidés, nous sommes arrivés, nous sommes loyaux à l'État. Donc sont mis en place tous les ressorts d'israélité. Et moi j'ai travaillé sur la réception de cette israélité par les gens, et j'ai notamment filmé un de ces groupes où je filme une dame qui parle. Elle a la mosquée du village derrière elle, donc avec un minaret très impressionnant qui est très haut. Et donc le minaret, c'est quand même un symbole, un marqueur de l'islam qui permet de distinguer un peu où on est. Et je dis à cette femme, donc quelle est la religion des tcherkesses? Elle me dit, ils sont tcherkesses. Et elle me dit, ils ne sont pas comme les musulmans, ces gens-là. Ils ne sont pas comme les Palestiniens. Ici, on se sent bien et on se sent en sécurité. Et donc je dis à cette dame, mais êtes-vous allée dans des villages palestiniens? Elle dit, non, car je n'ai pas le droit d'y aller. Alors, les Israéliens ont le droit d'aller dans des villages palestiniens, et en règle générale, les Palestiniens ont aussi compris l'intérêt d'accueillir des Israéliens dans leur village. Mais ce que ça veut dire, ça en dit beaucoup sur les fantasmes à l'œuvre dans la société israélienne. La société israélienne connaît très mal les Palestiniens. On a construit un mur de séparation pour ne pas les voir. Et un de mes collègues anthropologues me disait, tu sais, le nord, notre génération, on sait ce qu'il y a derrière le mur parce qu'on était là avant. Nos enfants seront peut-être encore parce qu'on va leur transmettre, mais les enfants de nos enfants, le mur sera la fin de leur vision. Ils ne savent pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et donc, on est dans une situation où les Israéliens connaissent très très mal, et cette dame est capable de me dire, chez les Tcherkesses, on est vraiment en sécurité, on se sent bien, alors qu'elle n'a jamais mis les pieds dans un village palestinien, mais qu'elle est complètement prise par cette rhétorique de l'ennemi de l'intérieur. La citoyenneté en Israël, elle a jamais prétendu être égale, en fait. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Israël. Il n'y a pas un discours d'égalité des citoyennetés. L'État juif est un État qui privilégie le groupe juif, et donc la citoyenneté en acte est quelque chose qui se définit par rapport au contexte aussi. Donc, dans le contexte du conflit israélo-palestinien, pour reprendre cette rhétorique qui n'est pas la mienne, les Tcherkesses ont dû prendre position. Prendre position, on est d'un côté ou d'un autre. Hein, y a pas, dans un conflit, il y a deux camps ici. Et les Tcherkesses ont dû montrer leur islam en développant une pratique très rigoureuse de l'islam, puisqu'ils étaient perçus par les Palestiniens comme des traîtres. Ce sont des traîtres, et donc leur ressort pour réintégrer l'Oumma a été une pratique très rigoureuse de l'islam, qui est beaucoup plus rigoureuse que dans les communautés tcherkesses en Turquie, en Syrie ou en Jordanie, où l'ensemble dominant est musulman. Et ils ont développé cette israélité, surdéveloppé cette israélité, avec un discours loyal et un discours de participation à l'armée qui, pour eux, devrait leur accorder des droits égaux. Quand vous présentez un entretien d'embauche en Israël, la première question qui vient, c'est quel est le rang que vous avez atteint à l'armée? Donc, si vous avez été bien classé dans l'armée, vous pouvez avoir accès à des postes plus intéressants. Pour toute une partie de la population qui ne fait pas l'armée, on parle de près de 25% des Israéliens qui ne font pas l'armée. Il y a dedans, évidemment, les Palestiniens, je ne parle pas des Palestiniens qui ne font pas l'armée, il y a les religieux qui ne font pas l'armée, qui sont aussi un groupe très périphérique et dont la citoyenneté est à demi-mot déniée, puisqu'ils ne sont pas des vrais Israéliens, ils ne participent pas à la sauvegarde du pays et du peuple juif, donc à ce titre-là, leur citoyenneté est amputée. Et il y a des gens qui refusent, alors ça on parle de cas des réfusniks, c'est un refus politique, un refus de participer à une armée d'occupation, mais ça c'est un groupe tout petit. Et par contre, il y a tout un tas de gens qui ne veulent pas faire l'armée. Ils ont, parce que 3 ans, c'est quand même beaucoup, donc quand vous avez 18 ans, il y a des gens qui ont envie de faire des études, de voyager et pas de donner 3 ans à l'armée. Je vais en fait maintenant glisser sur ma propre position de chercheur en fait. Qu'est-ce que ça signifie de faire une anthropologie dans un pays en guerre avec des clivages partisans très très marqués? Dans ma thèse, j'avais déjà interrogé beaucoup le rôle de la réflexivité dans mes travaux. Qu'est-ce que ça signifie d'être un anthropologue sur le terrain israélo-palestinien? Et je vais vous lire un extrait du préambule de ma thèse, qui est en fait la transcription d'un interrogatoire que j'ai eu à l'aéroport Ben Gurion, et qui va vous en dire long en fait sur les mécanismes mis en œuvre. Alors. Non, j'ai pas encore besoin. Merci. Je peux... Hop, voilà. Ah, peut-être que c'est une veille. Alors, vous êtes juive ? Non, je suis athée. Oui, mais vous êtes juive d'origine ? Oui. Merza, ça ne fait pas très juif. Par contre, Bronstein, ça fait juif. Merza, ça fait arabe. Votre père est arabe ? Non. Mais comment ça se fait qu'il s'appelle Farouk alors ? Je ne réponds pas. Dans quelle ville est-il né ? À Kounetra. À Kounetra ? Vous voulez dire en Syrie ? Oui. Il est syrien alors, donc il est arabe ? Non. Il est musulman ? Il est tcherkesse. Il est musulman ? Non, il est athée. Mais d'origine ? Oui. Donc votre père est musulman, donc il est arabe. Non, il est musulman. Et où est née votre mère ? À Paris. Et ses parents ? En Algérie et en Alsace. En Algérie ? Donc votre mère est musulmane aussi ? Non. Elle est quoi ? Elle est athée, elle aussi. Non, mais d'origine, elle est quoi ? Elle est juive. Par laquelle de ses parents ? Par sa mère. Donc elle est juive. Donc vous êtes juive aussi ? Je suis athée. Vous êtes juive, oui ou non ? Votre mère est juive ? Votre grand-mère maternelle est juive ? Oui. Alors vous êtes juive puisque ça se transmet par la mère. Si vous êtes juive, vous devez être de notre côté alors puisque vous êtes juive. Mais si votre père est musulman alors, vous êtes musulmane aussi ? Je ne réponds pas. Vous êtes juive ou musulmane ? Je suis athée. Oui, mais si vous deviez choisir ? Aucun de mes parents ne m'a jamais demandé de choisir, je n'ai pas à choisir. Mais moi je vous le demande, si vous devez choisir, vous vous sentiez plus juive ou plus musulmane ? Je suis française. Et alors ? Alors je choisis les deux. La personne qui m'interroge est très agacée par cet interrogatoire et elle finit par me dire « Le problème, c'est que vous n'êtes pas que musulmane. » Elle me dit « Si vous étiez que musulmane, je pourrais vous mettre. » Parce qu'il y a des cases à cocher, en fait, et elle n'arrive pas à cocher la bonne case avec moi. Et je reverrai toujours sa tête quand elle a sorti de mon sac deux marqueurs culturels très forts, puisque j'ai une partie de ma famille qui est juive et qui m'avait demandé de ramener un chandelier et j'ai un père syrien qui m'avait demandé de lui ramener un kéfier. Alors elle sort de mon sac ce kéfier et ce chandelier juif et elle me dit « Mais qui êtes-vous ? Mais qui êtes-vous ? » Et je sens qu'elle a un vrai problème avec ça. Elle n'arrive pas à me catégoriser. L'interrogatoire se poursuit. Elle me dit « Attendez. Voilà. Avez-vous l'intention de vous rendre dans les territoires ?» Alors. Territoire, en hébreu on dit shtachim, les territoires, on oublie la mention occupée, les territoires. Avez-vous l'intention de vous rendre dans les territoires ou sur la bande de Gaza ? Non, je travaille sur deux villages de Galilée, je travaille sur une minorité d'Israël, pas de Cisjordanie. La Cisjordanie, vous voulez dire les territoires ? Qu'entendez-vous par la Cisjordanie? C'est un bout de Jordanie, la Judée-Samarie. La Judée-Samarie appartient à Israël, nous sommes chez nous ici. Je ne réponds pas. Pensez-vous que la Judée-Samarie appartient de plein droit à Israël? Je ne réponds pas. Que pensez-vous du conflit avec les Arabes? Je ne travaille pas sur le conflit. Oui, mais que pensez-vous du conflit avec les Arabes? Je ne pense rien du conflit. Je pense qu'elle a dû voir mon visage que je mentais. Tout le monde pense quelque chose du conflit. Je ne réponds pas. Alors, que pensez-vous de la guerre avec les Arabes? Je pense que c'est un sujet très complexe et que je n'ai pas assez de connaissances sur ce sujet. Avez-vous déjà perdu un proche dans un attentat? Non. Savez-vous ce que c'est que de perdre votre enfant parce que le bus qu'il prenait pour aller à l'école a explosé? Non. Avez-vous déjà perdu un frère à la guerre? Non. Vous comprenez que nous cherchons à garantir la sécurité de nos concitoyens? Vous comprenez que nous luttons contre le terrorisme? Vous comprenez? Mais de quel côté êtes-vous? Les nombreuses heures que j'ai passées en interrogatoire à l'aéroport Ben-Gourion ont complètement changé la façon dont j'ai fait ma thèse. J'ai compris avec ces interrogatoires que c'était ces catégories qu'il fallait interroger, plus que finalement la question minoritaire en Israël. Ce qui m'a vraiment intéressée, c'est de voir comment Israël construit ces catégories qui sont quand même assez rigides, puisque toute une partie des populations ne peuvent pas rentrer dans ces catégories. Mais surtout, ce que ça m'a appris, c'est qu'en fait, l'agent qui m'interroge n'a pas tort quand il dit que tout le monde a un avis sur le conflit israélo-palestinien. Quand, en tant que chercheur travaillant sur Israël contemporain et sur le conflit avec la Palestine, on est sommé en permanence de donner notre avis personnel sur la question. Je pense que quand on travaille sur le Tibet en tant que chercheur, on nous demande moins de nous exprimer sur une position politique. Alors, je pense que vous pouvez avoir des genres de choses un peu identiques avec le breton. Je pense que souvent, on peut vous demander quand vous travaillez sur le breton, mais alors politiquement, vous êtes de quel côté? Alors, vous êtes bretonnisant, évidemment. Et donc, on vous assigne ces catégories comme si vous ne pouviez pas être d'excellents chercheurs en soi. C'est-à-dire que c'est toujours lié à une catégorie. Et moi, en tant je milite pour que des Congolais puissent travailler sur la musique klezmer, par exemple. Je ne pense pas qu'on soit obligé de travailler sur sa propre catégorie. C'est le choix que j'ai fait, quand même. Je travaille sur Israël aussi en tant que juive et par ce qui est fait en mon nom en tant que juive, et des choses dont je vais revenir dessus. Et pour vous donner deux exemples de pourquoi, en fait, j'ai créé cette ONG, dont je vais vous parler très, très rapidement. J'organise, il y a 7 ans maintenant, une journée d'études à l'EHESS qui s'intitule on est en plein débat sur l'identité nationale à l'époque, et donc on organise une journée d'études avec Éric Fassin sur les politiques d'identité nationale. À l'époque, j'enseignais un cours et j'avais des élèves de 27 nationalités différentes, et je me dis que c'est un bon moyen de dresser des parallèles avec les politiques d'identité nationale qui sont menées dans d'autres pays. Un de mes élèves est israélien et il fait un papier brillant, je pense le plus brillant de tous les... où il explique la distinction entre nationalité et citoyenneté dont je vous ai très rapidement parlé. Son papier est excellent. Première question du public. Bonjour, en tant que citoyen israélien, que pensez-vous de l'offensive meurtrière que vient de lancer votre gouvernement contre la bande de Gaza? C'est la première question, c'est-à-dire que peu importe l'objet de sa recherche, la personne est essentialisée et sommée de répondre. Alors je suis intervenue parce qu'il ne devait pas y avoir de réponse à ce moment-là, c'est des discussions qui ne se font pas dans le cadre de ce colloque, mais il y a cette passion française pour le conflit israélo-palestinien. Et à mon avis, cette passion française, elle est liée au passé colonial de la France. La France accueille la communauté juive la plus importante d'Europe et aussi la communauté la plus musulmane d'Europe. Alors il y a évidemment ce rapport colonial mal digéré avec l'Algérie. Et il y a aussi ce rapport de culpabilité. La France a donné les juifs, a collaboré de façon active avec les nazis. Et donc, cette passion israélo-palestinienne, elle se retranscrit aussi sur le vivre ensemble en France. Elle traverse les communautés qui redéveloppent, que ce soit dans la communauté juive et dans les communautés arabo-musulmanes en France, elle transparaît et il y a des partis pris très très importants. J'étais invitée à une conférence au Maroc Et il y avait un panel sur la Palestine et sur Israël. Et nous avons été le seul panel qui a soulevé des questions en fait, dans la salle. Alors qu'on parlait de situations très complexes en termes de citoyenneté, d'identité, dans plein d'endroits dans le monde. Et donc, ça m'a fait réfléchir, en fait, tout ce parcours, ces interrogatoires, et puis ces injonctions, en fait, à prendre parti. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait là-dedans. C'est qu'effectivement, j'en avais marre de devoir me positionner en tant que chercheur ou en tant que militante. Moi, je suis une chercheure et une militante. Et j'ai pas honte de le dire. Je pense pas qu'on travaille sur la Bretagne ou sur Israël par hasard. On a tous et tout un agenda politique qui est plus ou moins mis en avant. Et j'ai compris très rapidement qu'il allait falloir m'émanciper de ces catégories, en fait, de chercheurs ou de militantes. Et moi, mon travail avec Decolonizer, qui est un petit centre de recherche alternative que j'ai créé, c'est de faire rencontrer ces deux sphères qui, en général, ne dialoguent pas, la recherche et le militantisme. Je pense qu'on peut faire des outils très sérieux, très rigoureux et scientifiques en étant militant. Et je pense par contre que les militants doivent avoir des outils très sérieux et rigoureux, ce qui manque parfois, il est vrai, dans les cadres militants. Alors, Decolonizer, c'est un tout petit centre de recherche que j'ai cofondé avec Eitan Bronstein, qui est un militant israélien. Et notre but, en fait, est de sensibiliser la société israélienne à son histoire coloniale et aux représentations qu'elle se fait des Palestiniens. On travaille essentiellement sur la reconnaissance de la Nakba, sur l'attitude israélienne face au droit au retour des réfugiés palestiniens. Le droit au retour des réfugiés palestiniens, c'est vraiment le point qui coince, en fait, puisque on parle de plusieurs millions de réfugiés qui pourraient théoriquement revenir. Alors on en est loin, puisque le droit au retour n'est même plus dans les discussions. Et ça fait très peur aux Israéliens. On a interrogé des Israéliens qui nous disent « Mais vous êtes malade ou quoi ? Leur accorder le droit au retour, ils vont nous jeter à la mer. » Il y a toujours ce rapport d'opposition très très forte. L'idée à Decolonizer, c'était surtout de produire des matériaux et de faire de la recherche pour toutes et tous. Alors, je ne vous l'apprends pas parce que je sais que vous êtes aussi nombreux à travailler de cette façon, à essayer de transcender les cercles des experts. Alors, ça veut dire qu'on travaille beaucoup dans la rue israélienne. Ça veut dire qu'on travaille en hébreu, évidemment. Et ça veut dire qu'on n'hésite pas à aller dans des émissions de télévision ou de radio ou dans des médias qui n'ont pas du tout les lignes politiques qu'on peut défendre, parce qu'on pense que c'est aussi cette façon... de cette façon qu'on peut s'adresser à la société israélienne. On travaille aussi sur les représentations et les peurs israéliennes. Et surtout, le gros du travail qu'on a eu à Decolonizer, ça a été de repenser nos outils de restitution, en fait. Comment restituer de la sociologie ou de l'anthropologie en dehors des revues, en dehors des articles parfois un peu fastidieux qu'on peut écrire. Et donc on travaille beaucoup avec la vidéo et on travaille beaucoup avec des articles courts, ce qui a été un gros changement pour nous, parce qu'il a fallu apprendre à passer d'articles de 25 pages à articles de 2 pages et avec un vrai travail synthétique. Moi, par exemple, j'ai aucun problème avec le terme de vulgarisation. Je trouve que c'est un terme très noble, en fait, de mettre à la disposition du plus grand nombre des savoirs. Et ce qu'on essaie de faire avec Ethan, c'est de rendre ce savoir qui s'appuie sur presque 15 ans d'expérience sur le terrain israélien à destination et du public international, de vous et des Israéliens. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo qui montre un peu notre travail dans la rue israélienne. On reviendra dessus. En 2011, l'État d'Israël promulgue une loi, qu'on appelle la loi contre la Nakba, qui est en fait une loi qui interdit les commémorations de la Nakba. Là aussi, ça fait 70 ans bientôt que l'État d'Israël a été créé. Ça marque aussi 70 ans de Nakba, de catastrophe pour le peuple palestinien. Et dès le départ, cette dualité des discours va induire des accès de revendications identitaires et citoyennes très différentes. Pour une partie de la population, c'est une catastrophe. Pour l'autre partie de la population, c'est la délivrance, c'est l'indépendance. Et si je vous parle de l'occupation de 67, qui est aussi une des choses sur laquelle on travaille, Je pense que vous pensez immédiatement à la bande de Gaza et à la Cisjordanie, qui sont un peu les deux choses auxquelles on pense. On oublie que 67, c'est aussi l'occupation du Golan syrien. Et 130 000 Syriennes et Syriens vont être déplacés en 1967 et expulsés de leur maison. La construction identitaire est très différente pour ces populations, puisque les Syriens du Golan occupé ont été déplacés d'une partie occupée de la Syrie à une partie non occupée de la Syrie. Donc ils ne sont pas devenus des citoyens de seconde zone, ils ne sont pas devenus des apatrides, ils sont citoyens syriens déplacés. Et tout ça, c'est le travail qu'on essaie de faire pour la société israélienne qui a un très fort déni de ce qui s'est passé. Donc on essaie d'amener cette connaissance proactivement aux Israéliens, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a 15 ans, si vous tapiez le mot Nakba sur Google, en hébreu, il n'y avait rien, mais rien du tout. Et que 15 ans après, la Nakba est un objet qui est tellement sensible pour le gouvernement israélien qu'il est obligé de faire une loi pour en interdire les commémorations, donc ça devient un objet. Et sur Google, sur Wikipédia, on parlait tout à l'heure de Wikipédia, quand vous êtes sur Wikipédia, c'est que c'est la vérité, hein, maintenant. Et sur Wikipédia, il y a des pages entières en hébreu de description de ce qui s'est passé en 48, donc complètement accessible. Et on a eu un vrai problème, un gap entre le nombre de connaissances développées et qui existent et les méconnaissances dans le public israélien. Donc notre travail est d'amener aux Israéliens ce travail. Decolonizer, c'est vraiment un centre de recherche alternatif au sens où nous sommes des militants. Vraiment, nous ne nous cachons pas. Et nous pensons que la reconnaissance de la Nakba, c'est un premier pas vers une possibilité de vivre ensemble, parce que c'est quand même ça qu'on défend, la possibilité pour juifs et non-juifs, palestiniens et israéliens de vivre ensemble. C'est quelque chose qu'on a très très à cœur. Et depuis la loi contre la Nakba, on est interdit de commémoration, mais nous, c'est évidemment le jour où on a choisi d'aller se rappeler au bon souvenir des Israéliens. Donc, bienvenue dans la rue. Attends. Hop, là. Vous voyez où je dois me déplacer? Vous pouvez voir le son. On voit bien, mais c'est le son qui va manquer. Attention aux oreilles. Non, ça va? Ah oui, c'était à zéro. Tu l'as lancé? Non. Bon, voilà. שחוגגים ומציינים את יום העצמאות כדי באופן אקטיבי להזכיר לישראלים שהעצמאות של המדינה היהודית נקנתה במחיר החורבן האדיר של הפלסטינים ב-48 שרוב הפלסטינים הפכו לפליטים ורוב היישובים שלהם נהרסו בשביל להקים את המדינה היהודית וגם אנחנו כישראלים מאז כובשים ומאז תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. Voilà, alors, ce petit film, il dit beaucoup de la société israélienne, en fait. Il dit d'abord que il y a encore un gros travail d'éducation à faire, parce que vous voyez, un des premiers jeunes hommes qui a interrogé, on dit, est-ce que tu sais ce que c'est que la Nakba? Il dit, oui, c'est le jour où les Arabes nous lancent des pierres. Intifada, Nakba, tout ça, c'est un peu... Et en fait, ce film, il a été fait en parallèle d'un sondage d'opinion qu'on a fait pour le livre, notre livre qui va sortir la semaine prochaine, en hébreu, bientôt en français, on espère, et dans lequel on a interrogé 500 juifs israéliens sur ce qu'ils mettaient derrière le mot Nakba et quelle était leur position par rapport à ce mot-là et à cette histoire, en fait, peu glorieuse. Et à ce titre-là, Israël n'est pas bien différent d'autres pays. Tous les pays ont des pages sombres de leur histoire qu'il est un peu difficile de regarder. Et nous, nous pensons que c'est une condition pour un accès à la citoyenneté plein pour tous et à un vivre ensemble. Ce que ça dit aussi, c'est... ce jeune homme, à la fin, c'est très éclairant ce qu'il dit. Il dit « on va se faire casser la gueule pour ça » parce qu'il y a un très fort climat de suspicion dans la rue israélienne. Être un militant pour les droits humains, c'est pratiquement devenu un acte de radicalité, en fait. parler avec des Palestiniens, c'est quelque chose qui est un acte de radicalité, et on est dans des sphères d'appartenance citoyenne qui sont de plus en plus renfermées les unes sur les autres. Et ça rappelle un peu ce que me disait cette personne dans l'interrogatoire, mais vous êtes où en fait? Vous êtes qui? Vous êtes de quel côté? Parce qu'il y a cette injonction complète, totale, permanente dans la société israélienne à prendre parti. Et si on est israélien, forcément on est côté israélien. Ça tombe sous le sens. Et c'est quelque chose de particulier d'être des citoyens chercheurs à contre-courant de ce qui se passe dans notre société et d'essayer d'amener ça dans la rue. Alors, une des actions qu'on fait, quelque chose qu'on fait qui est un peu unique, je pense, pour se rappeler de cette histoire, c'est qu'on organise des tours alternatifs ouverts aux Israéliens, gratuits, où on les emmène dans des villages qui ont été détruits, qui ont été reconstruits depuis, et on explique en fait cette histoire qui a été complètement effacée et des cartes, et de l'historiographie, puisque une des choses qu'on dit en Israël, c'est qu'on est arrivé, c'était une terre vierge en fait. C'est un des mythes fondateurs d'Israël, c'était une terre vierge. Nous, on n'est pas les seuls, hein, depuis on a prouvé que c'était pas exactement vierge hein, comme terre. Et peut-être que si j'ai encore 5 minutes, 3 minutes... ça fait le lien avec cet outil qu'on vient de produire, et parce que c'est pour vous montrer un peu quel genre d'outils on arrive à produire en dehors de l'université en fait, qui sont des outils un peu grand public. Alors ça, je vous la distribue parce que c'est un peu délicat de parler Merci. D'une carte sans que vous puissiez la regarder, c'est un peu puis vous me la replierez quand vous aurez fini. Alors cette carte, elle s'appelle Colonialisme en destruction. Donc c'est un essai, en fait un outil visuel qui retranscrit le projet colonial en Palestine historique et en Syrie. Cette carte, elle recense l'intégralité des localités palestiniennes, syriennes et juives qui ont été détruites depuis les premières vagues de migration sioniste, donc fin du 19e siècle, jusqu'à aujourd'hui et même un peu plus dans le futur. Alors ça, on ne peut pas le mettre dans un titre parce que ce n'est pas très élégant, mais c'est de ça que ça parle. Et l'idée est de montrer que le détour par le passé, ce n'est pas uniquement pour connaître son histoire, mais c'est aussi pour construire un futur et une mobilisation pour un meilleur futur. Alors contrairement... on a pris un peu le contre-pied des normes cartographiques classiques, puisque ce qui est en gris, en fond, en fait, est ce qui existe actuellement. Nous, notre travail étant de rendre visible ce qui a été invisibilisé, les localités qui ressortent en bleu, en rouge et en vert sont les localités qui n'existent plus. Et ce sont ces localités où nous prenons, où nous invitons les Israéliens à aller pour connaître ces histoires. On leur transmet aussi des témoignages de Palestiniens qui ont été expulsés, et un petit mot important là-dessus, aussi une question de réflexivité très importante, la façon dont on arrive à aborder la société israélienne tient aussi au fait que nous sommes israéliens. C'est-à-dire que si des Palestiniens témoignent de ce qui leur est arrivé en 48, il va y avoir un rejet presque immédiat de ce qui est dit, puisque c'est leur histoire, c'est biaisé, ils sont contre nous. Quand ça vient du groupe, de l'intérieur, de la propre société, c'est des choses plus entendables, et il y a un très fort phénomène d'identification avec nous qui est possible en tout cas dans la société israélienne, ce qui n'est pas possible avec les Palestiniens. Donc on a décidé de répercuter ces destructions par sphère historique en fait, pour montrer aussi que c'est un projet qui suit un continuum historique. Donc il y a des localités palestiniennes et juives qui ont été détruites avant 1948. Alors comment on fait pour détruire des localités avant d'avoir un État? C'est par une chose un peu nouvelle, une tactique nouvelle qui est l'achat de terres. Mais à l'époque, le droit foncier est encore le droit ottoman, et l'achat de terres ne signifie pas qu'on va en expulser les travailleurs et les paysans, on les garde sur le terrain. C'est la première fois avec cet achat de terre par ce qui va devenir l'agence juive, qu'il y a une volonté de vider les terres pour en faire les nôtres exclusivement. Il y a des localités juives qui vont être aussi détruites. Et ces flèches que vous voyez, ça c'est le travail d'Ariela Azoulay dont on parlait tout à l'heure. Ariela Azoulay, c'est une chercheure israélienne qui était trop radicale pour l'université, alors qu'elle a été exclue de son travail d'enseignante à l'université et qui maintenant enseigne aux États-Unis. C'est une grande perte pour la communauté intellectuelle en Israël. Mais, et en fait, ces flèches, elles montrent 48 couples de villages palestiniens et juifs qui, avant 48, avaient contracté des accords de vivre ensemble, de non-agression, parce que le vivre ensemble est quelque chose avant ce projet colonial qui est possible. Il y a une présence juive en Palestine historique, il y avait une vie en bon entendement, et nous pensons qu'il y a encore de la place pour cette vie ensemble dans un État pour tous ses citoyens, et plus uniquement dans un État qui privilégie une partie de ses citoyens, puisque c'est le système dans lequel on vit. En 1948, en rouge, apparaît les destructions pendant la Nakba. C'est le gros de l'épisode du projet colonial. C'est l'épisode le plus violent. On parle de 615 localités palestiniennes qui ont été détruites. C'est vraiment la dépalestinisation de la Palestine historique. Et c'est l'expulsion de 750 000 personnes. Les chiffres sont aussi une bataille politique et idéologique importante, mais c'est le chiffre sur lequel on s'est accordé. Et enfin, en vert apparaît les destructions de 1967 à nos jours, avec effectivement toutes ces localités syriennes qui ont été expulsées du Golan, mais aussi des localités palestiniennes menacées de destruction. Et c'est là aussi que le vivre ensemble est mis à l'épreuve aujourd'hui même, avec des racines historique lointaine, puisqu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe à Gaza aujourd'hui sans comprendre que plus de la moitié de la population de Gaza a été expulsée de Jaffa en 1948. On ne peut pas comprendre ces localités palestiniennes menacées de destruction quand on ne comprend pas l'inégalité citoyenne qui régit le système dans lequel nous vivons. Donc voilà, ça c'est juste un exemple en fait d'outils. On en a vendu presque 2000, donc c'est un outil, alors populaire, c'est un bien grand mot, mais c'est un outil qu'on a réussi à diffuser très largement, qui est maintenant publié en hébreu. Et le travail qu'on fait, c'est par exemple d'aller sur des forums internet de passionnés d'histoire en Israël et de mettre cette carte comme contribution. La carte a été imprimée la veille de notre départ en France. Donc on ne l'a pas encore physiquement présenté, mais en 30 minutes sur ce forum, on a eu près de 300 commentaires. Je ne vous cache pas qu'ils n'étaient pas très élogieux, avec beaucoup de ressentis, parce que faire le travail qu'on fait, des gens nous accusent de produire des matériaux antisémites, puisque l'injonction à l'antisémitisme, elle est très forte. Dans le cadre critique à Israël, moi en tant que juive personnellement, c'est une offense à mon histoire juive de manipuler cet antisémitisme pour réduire à silence les critiques d'Israël. Et en fait, une petite note positive là-dessus, parce qu'on est accusé de faire le jeu du terrorisme, on est accusé d'être de l'autre côté, et une petite note personnelle, c'est qu'il y a quand même eu des réactions positives à cette carte, avec des gens qui nous ont écrit. Ça me permet d'en savoir un peu plus sur les autres citoyens. Et pour nous, c'est quelque chose d'important, parce que dans cette... non-connaissance, cette méconnaissance de la société israélienne, on pense que ce genre d'outils, les genres de tours qu'on fait, les actions qu'on fait dans la rue, permettent un peu de développer les connaissances. Alors c'était un panel de tout ce qu'on fait, on fait encore beaucoup de choses, je ne peux pas parler pendant 5 heures. Donc je vous remercie. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. On peut se permettre une petite demi-heure de questions pour que vous arriviez l'heure au restaurant. Alors, une petite question. On a connu plusieurs initiatives dans ce genre. Je me souviens, il y a 10-15 années, on parlait de la paix maintenant. Ça participe du même mouvement ou est-ce que c'est... je ne sais pas. Alors là, on répond à chaque question au fur et à mesure oui, ou... oui, ouais. Oui, oui. Alors la paix maintenant, le problème de la paix maintenant, c'est qu'il reste sur un paradigme sioniste, c'est-à-dire la séparation en deux États, mmh. un État palestinien et un État juif. Et donc, philosophiquement, les deux États, c'est le contraire du vivre ensemble. On peut comprendre que ce sont des pas nécessaires, hein. On pense à l'autodétermination des peuples et à le souhait des Palestiniens de voir reconnaître un État, mais cette problématique des deux États, elle empêche aussi de comprendre les inégalités dans notre société, hein. Puisque la solution qui est amenée au conflit est la séparation, avec un État pour chacun. Et nous, notre travail, il est de comprendre les inégalités structurelles de notre propre société, parce que théoriquement, je dis bien théoriquement, mmh. deux États, ça peut aussi laisser la voie à l'extrême droite israélienne qui prône le transfert des populations, en disant, bah, maintenant, vous avez un État, donc nous, on n'a pas besoin de vous prendre en charge en tant que non-juif si on peut décider d'avoir un État que pour les juifs. Alors c'est quelque chose qui est très problématique parce qu'on a des populations qui sont géographiquement localisées, qui ont déjà subi des expulsions pour certaines d'entre elles, et il faudrait repenser avec eux leur statut de citoyen. Et beaucoup aspirent à une citoyenneté normale, normalisée, avec les mêmes droits que les autres. Alors, la paix maintenant, c'est évidemment des gens sur le spectre politique dont on est beaucoup plus proche que Netanyahou, ça ne fait aucun doute. Après, je pense que sur le mouvement de la paix en Israël a des limites. Et les limites qu'elle a montrées, c'est qu'une grande partie des militants de la paix maintenant sont aussi dans des partis comme Meretz ou comme Avoda, qui font partie des gouvernements qui continuent cette politique de distinction au sein de l'État d'Israël. Alors nous pensons que pour vraiment penser l'égalité structurelle, il faut repenser ce que signifie Israël comme État juif. Et je le dis avec d'autant plus d'émotion qu'en tant que juive moi-même, j'ai été élevée dans ce besoin d'avoir un État pour nous protéger, en fait. Un État dans lequel plus jamais on pourrait nous génocider. Mais pour moi, ce n'est pas la solution. Moi, je milite pour un État pour tous ses citoyens, quelle que soit leur religion, leur orientation de genre ou sexuelle. Pour moi, c'est très important. Et le problème du discours du camp pour la paix ne pense pas, en fait, ça en termes de vivre ensemble. Alors pour moi, c'est toujours un peu les limites, en fait. Je voulais savoir comment on peut arriver à penser citoyenneté si le poids religieux est très important, parce que pour les deux communautés, que ce soit la communauté juive ou la communauté musulmane, d'Israël, le poids de la religion est très important dans la société. Je voulais savoir comment on peut se dépatouiller avec l'histoire de citoyenneté qui, pourtant, est un mot qui fait appel à la laïcité, quoi. Si... Pour nous, oui. Intéressant. Ça pose vraiment le débat de l'exportation des concepts qu'on utilise sur le terrain, en fait. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, citoyenneté et nationalité en Israël sont utilisées de façon synonymique, alors qu'ici, on fait vraiment une distinction, pas toujours d'ailleurs, hein. Des fois c'est un peu fluctuant aussi, mais surtout, c'est le cadre d'Israël. Israël est un État qui n'a pas de constitution écrite, puisque Israël hésite encore entre démocratie et théocratie. Israël est un État dans lequel on fait le Shabbat, par exemple. Les administrations, les universités sont fermées le jour du Shabbat. En France, c'est pareil que le dimanche, hein, entre nous. Soit dit entre nous. On va pas s'en plaindre. Voilà. On mange du poisson. Alors, je sais pas comment c'est maintenant, mais oui, on peut pas s'en plaindre. Moi aussi, ça me fait du bien de faire une pause des fois. Mais à ma connaissance, on mange encore du poisson à la cantine le vendredi à l'école. Donc on a aussi ce rapport où on fête Noël, hein, les fêtes. Les vacances en France sont quand même essentiellement liées à des fêtes chrétiennes. En Israël, c'est la même chose, mais Israël ne comprend pas la contradiction qu'il y a entre être un État juif et un État pour tous. Et la question de la citoyenneté, en fait, elle n'est pas des parties du religieux en Israël. Elle est pensée avec le religieux, ce qui, du coup, produit des catégories différenciées de citoyenneté, puisqu'il y a les juifs et les non-juifs. Et donc, qu'est-ce que ça signifie des sphères d'appartenance qui ne sont pas autonomes, encore une fois, puisque être un vrai citoyen, la réponse à ma thèse qui m'a pris 7 ans, c'est que non, en fait, on ne peut pas vraiment être un vrai Israélien quand on n'est pas juif, en fait. Il n'y a pas de place, il y a légalement, oui, dans les pratiques, non. Dans les pratiques, il y a une discrimination qui est faite constamment envers une partie de la population. Donc, il y a encore une fois, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'anthropologue, c'est pas tant les concepts que leur application en pratique, en fait, des citoyennetés en acte, de voir comment les populations mobilisent ces termes pour en faire les leurs. Moi, le cas des Tcherkesses a été intéressant pour moi parce que c'est vraiment une identité qui s'est construite de façon contextuelle, une citoyenneté très contextuelle. Si les Tcherkesses avaient été dans un pays musulman, comme c'est le cas avec les Tcherkesses de Jordanie ou de Syrie, les ressorts de la citoyenneté et de l'identité collective ne sont pas les mêmes. Par exemple, la communauté en Israël a un islam, je l'ai dit tout à l'heure, très rigoureux et très revendiqué. Moi, j'ai grandi dans une communauté en Jordanie où l'islam n'avait aucune importance, par exemple. Et on parle de la même population. Hein. Et quand vous interrogez les Tcherkesses sur qu'est-ce que ça veut dire d'être Tcherkesse en Israël, ils vous disent c'est d'être de bons musulmans, c'est parler la langue tcherkesse, parce qu'il y a aussi toute une chose d'identification. Et donc, ça dénie aux Tcherkesses qui ne parlent pas de Tcherkesse, par exemple, leur tcherkessité. Alors, c'est toujours intéressant pour moi de dresser des parallèles, par exemple, avec vous. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce qu'on est un vrai breton quand on ne parle pas breton ? Est-ce que, etc., etc. C'est des questions, je pense, qu'on peut... je pense que le VOCA ont beaucoup... peuvent éclairer de façon très intéressante mon cas. Et je pense que ce que moi, je manipule côté israélien peut aussi vous donner des éclairages sur... Oui. Pour revenir à la sensibilité bretonne, hein, c'est pour ça que je t'ai interrompu, tu as sorti une carte, quoi. Tu sais qu'en Bretagne, ici, on est très sensible à ce territoire, hein, la Bretagne historique. Quoi. Et moi, je travaille sur un poète qui a écrit en 1914 et qui utilise le terme de juif errant. C'est-à-dire que c'est en 1914, c'est pendant la guerre. Je vais te lire, et après, on va poser la question de une nation, un État et un territoire. Donc, je vais le lire en français. Parce que merci. ça me permettra de mieux comprendre, je crois. Il revient, donc il est sur le front, et il revient en Bretagne. Quoi. Et voici ce qu'il dit. J'ai traversé donc, de nombreux pays comme un pauvre juif errant, en foulant le sol du lieu où je suis né, mon cœur s'est enfermé. Quoi. C'est-à-dire que le breton, lorsqu'il n'est pas sur sa terre, est un juif errant. Et le pire, enfin, le meilleur, c'est que le breton a deux mots pour dire juif. Pour dire juif, il dit, je vais le lire, judéo, quoi. Et pour juif errant, boudédéo. Et donc, c'est en 1914, c'est avant le nazisme, c'est avant, et donc, on dans la mentalité quoi, des gens, on voit le juif comme quelqu'un sans terre. Et donc, moi, je vois le problème, tout le monde pense quelque chose du conflit, c'est aussi un problème d'occupation des terres. Quoi. Absolument. Les Juifs, c'était les premiers, les autres sont venus après, on ne sait plus trop qui est qui. Il y a une bataille autour voilà. De ça. Et on sent que, d'un côté, les Juifs veulent occuper tout le territoire, et de l'autre côté, on interdit, par contre, aux gens de revenir. L'État n'autorise pas cette libre circulation des personnes, comme on dit en France. Je voudrais peut-être juste prolonger ce qu'il vient de dire. Tu as parlé de l'Algérie à un moment, et y a quand même un tas de choses qui font écho. C'est par exemple l'histoire nous jeter à la mer. Faut pas oublier que une grosse partie de la communauté juive de France, c'est justement les pieds noirs. C'est la communauté pieds noirs jetée à la mer. Dans la communauté juive francophone, bah, cette histoire-là, c'est énorme. Et on retrouve le même vocabulaire de l'autre côté, quoi. C'est, cette histoire d'être rejeté à la mer. Absolument. C'est, voilà, c'était juste pour aller un peu plus tout loin. Tout à fait. Le problème de la manipulation de l'émotion, c'est toujours l'arbre le méchant. Absolument. Le problème de la manipulation de ces émotions, c'est qu'elle laisse très peu de place à une analyse politique, en fait. Et qu'effectivement, la société israélienne s'est construite sur des traumatismes fondateurs. C'est-à-dire que c'est une société qui s'est construite après le génocide de 6 millions de Juifs. On ne peut pas faire comme si c'était un non-événement, en fait. C'est l'événement fondateur même de l'identité collective juive post-40. 45 en fait. Et effectivement, les migrations, parce que Israël est un pays constitué de juifs de plein d'endroits du monde. On n'en parle jamais, mais par exemple, les populations juives d'Irak qui ont tout perdu en fait, et quand elles sont venues, on est allé les chercher, hein, on est allé peupler parce qu'il fallait peupler Israël de juifs, donc on est allé chercher toutes ces diasporas qui vivaient en parfait entendement depuis des millénaires. La question de l'Algérie, elle est intéressante puisqu'effectivement, il y a aussi une question coloniale et de blanchité, c'est-à-dire que le décret Crémieux blanchit au sens fait du juif un blanc, un colon, en accordant des droits à une partie de la population indigène et en la déniant à une autre partie de la population indigène. Et ces populations qui sont venues vivre en Israël, elles sont porteuses de toutes ces histoires. Et effectivement, je pense que quand ces personnes nous disent « ils vont nous jeter à la mer », c'est vrai, c'est pas une exagération pour eux. C'est vraiment quelque chose qui est lié à des traumatismes très forts et qui est savamment entretenu par les gouvernements israéliens successifs, qui connaît la fragilité des populations qui ont subi des traumatismes très forts, et on la mobilise à chaque fois qu'il peut y avoir des discussions, d'ailleurs. À chaque fois qu'on voit les populations commencer à se rapprocher, hop, on remobilise la peur. C'est quelque chose qui marche très bien en France aussi, hein, d'ailleurs, c'est pas quelque chose d'unique à Israël. Et en fait, la figure du juif errant dont tu parlais, elle est très importante parce que jusqu'à 1948, en fait, l'identité juive était essentiellement diasporique. Alors, diaspora, je sais que c'est aussi un concept qu'on manie avec précaution en sciences sociales. Hein, qu'est-ce qui est diaspora, qu'est-ce qui est communauté. Mais l'identité diasporique, qui est d'ailleurs ce qu'une partie de l'establishment sioniste a rejeté. La construction de l'israélité, elle s'est vraiment faite sur le dos des diasporas. Puisque si vous étiez un juif en diaspora, vous étiez un juif amputé de votre judéité, puisqu'il y avait maintenant une terre pour les juifs. Donc votre travail est de venir y habiter. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur la communauté juive en France, ce qu'on appelle les ratés de l'Aliyah. Alors l'Aliyah, vous connaissez peut-être ce mot, c'est ce qui permet, voilà, aux juifs d'aller vivre en Israël. Et donc, les chiffres sont très peu clairs, puisque c'est aussi un enjeu politique très fort, mais il paraît que plus d'un juif sur trois qui migre en Israël retourne en France, en fait. Parce qu'il y a un fossé entre ce qui est entretenu dans les mémoires collectives, ce qui est transmis, et la réalité, notamment économique et conflictuelle du terrain. Parce que habiter en Israël, c'est aussi habiter dans un pays en guerre, c'est habiter avec des tensions en permanence. Là, moi, je ne vous cache pas que mon retour dans trois jours avec ce qui se passe en ce moment, l'embrasement, c'est des choses qu'il faut apprendre aussi à gérer, qui sont parfois un peu compliquées. Et beaucoup de gens n'y arrivent pas et reviennent en France. Sauf que c'est complètement tabou. C'est complètement tabou d'avoir échoué, en fait, puisque la terre promise n'était pas si prometteuse, en fait. Et donc, la question du juif errant, c'est quelque chose contre lequel, en opposition à laquelle, le sionisme a construit une nouvelle judéité. Alors, c'est problématique, parce que quand le sionisme construit la judéité, il lie de façon presque immédiate judaïsme et sionisme. Et il y a tout un tas de juifs dont je fais partie qui aussi pensons que judaïsme et sionisme sont des choses différentes, que le sionisme est une idéologie politique, que le judaïsme c'est autre chose. Mais cette figure du juif errant, elle a servi et elle continue à servir les gouvernements israéliens puisqu'elle est mobilisée comme une peur. Le juif errant, le juif de diaspora est un juif faible. Il y a des discours très très durs d'une partie des gouvernements et de l'establishment sioniste qui décrit par exemple les juifs qui ont été tués dans les camps de concentration comme des gens qui se sont laissés aller à mener à l'abattoir comme des moutons. C'est d'une violence extrême en fait de mobiliser ça pour construire un nouveau citoyen israélien. Et en fait, c'est très peu respectueux de l'histoire, d'abord, parce que c'est terrible de dire ça, avec une exacerbation, au contraire, des héros. Alors, le ghetto de Varsovie, par exemple, c'est un épisode héroïque dont on aime se rappeler. Alors, après, sur la question, je pense qu'Israël, encore une fois, à ce titre-là, est un peu comme tous les autres pays, où il y a des histoires des pages historiques plus glorieuses que d'autres, dont on préfère se rappeler. Mais effectivement, l'avènement du sionisme a mis fin à l'identité majoritaire qui était diasporique, l'identité juive diasporique. Cette question du juif errant, après, elle est intéressante de voir comment elle est mobilisée en France, par exemple, en Bretagne, parce qu'elle fait appel à quelqu'un qui n'a plus de terre ou qui n'a pas de terre. C'est aussi sur. Qui n'est pas sur ses terres. Alors, le breton est un juif errant quand il n'est pas sur ses terres. Voilà. Oui, c'est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ne pas être sur ses terres aussi? Ça veut dire est-ce qu'on peut être sur d'autres terres? Est-ce que. Enfin, ça soulève ça aussi. Ça veut dire aussi que la France est un pays qui est en contradiction avec son passé historique. Parce que c'est la constitution française, on dit, bon, le premier article, c'est tout citoyen est égaux, parce que tout citoyen est français dès qu'il naît sur le sol français. Mais, dans la réalité, il peut se passer que certains émettent des doutes, des réserves par rapport à tel ou tel citoyen. Et quand on vient à l'idée, mais heureusement, il y a un président aujourd'hui qui l'a reconnu, qui va au Burkina Faso en disant, oui, bon, effectivement, les crimes liés à la colonisation sont indéniables. Bon, c'est le premier qui l'a dit, je le vois dire comme ça, de plein but, de but en blanc, donc je le remercie pour ça, mais... Le problème, c'est qu'on est arrivé à des citoyens aussi en France qui sont déracinés, puisque leurs parents sont venus avec le fait colonial, puisque les parents sont nés dans des colonies françaises. Donc c'était des sujets coloniaux. Même si après, ces pays-là sont devenus indépendants, après, on peut discuter de la façon dont l'indépendance s'acquiert. Parce que c'est tout un processus. Donc il y a des pays qui ont effectivement acquis l'indépendance au prix d'une bataille psychologique, parce qu'il fallait renverser cette image du colon. Donc ça s'est passé pour la Guinée, et ça s'est passé au prix de la guerre et du sang pour l'Algérie. Parce que l'Algérie, en France, de toute façon, on sait tout de suite que quand on parle de l'Algérie, en France, c'est toujours avec beaucoup de passion. De crise passion. Et j'étais là, la fois dernière quand on a invité Erwan Evnou, qui est un pied noir, breton, qui est né en Algérie, qui a grandi en Algérie. Et pour lui, j'ai senti qu'à un moment, il y avait deux ou trois questions qui sont venues dans la salle pour lui poser. Est-ce que vous vous sentez breton ou est-ce que vous vous sentez algérien? J'ai vu que Erwan Evnou était en train d'hésiter. Il dit, mais moi, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que étant né en Algérie, il va se sentir algérien. Et étant d'origine bretonne, forcément, il est breton aussi, quoi. Donc il peut pas choisir. Le problème, il réside dans ce genre de questions, en fait. Ouais. C'est-à-dire que demander si vous vous sentez plus homme ou breton ou femme C'est comme pour vous, quand je vous pose la question, est-ce que vous vous sentez juif ou est-ce que vous vous sentez palestinienne, arabe. Ah, moi, je suis juive arabe palestinienne. Et c'est une partie de mes origines. Hein. Est-ce que je pourrais, je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps, j'aurais voulu savoir un peu plus sur, sur la petite communauté de Tcherkess. Vous disiez tout à l'heure, bon, pour nous les Bretons, c'est assez clair, on peut pas dire qu'un Breton est Breton seulement si c'est le Breton, parce que de toute façon, ça a toujours été un pays bilingue. Donc ce serait pas, c'est pas une caractérisation suffisante. Mais est-ce que les Tcherkess arrivent à faire perdurer la langue comme langue vernaculaire réellement dans les familles, dans les communautés, et comment elles le font? Par l'école, par d'autres biais? Alors, il y a deux réponses. Il y a la réponse israélienne de la communauté tcherkesse en Israël et des autres. Les tcherkesses en diaspora, c'est 5 millions de personnes dans le monde, à peu près, réparties en dehors de leur région d'origine, c'est-à-dire le Nord-Caucase sud de la Russie. En dehors de... Maintenant, le Nord-Caucase, ce sont des fédérations autonomes rattachées à la Russie. Hein. Donc, avec un statut pas d'indépendant, d'autonomie qui est discutable. Hein, avec la Russie, l'autonomie est toujours un peu discutable. Mais en dehors de cette zone-là, il y a 5 millions de Tcherkesses dans le monde. La communauté Tcherkesse d'Israël, c'est ce que j'ai montré dans ma thèse, a des attributs très particuliers. D'abord, par son nombre. C'est 4500 personnes qui vivent réparties sur deux villages. En fait, en Israël, la norme de l'entre-soi est la norme. Donc les Tcherkesses n'ont eu aucune difficulté, pas d'effort particulier à faire pour vivre entre eux, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Les Tcherkesses qui vivent en Turquie, c'est un peu différent, ils sont 1 million, par exemple. Donc ils sont beaucoup plus mélangés, ils vivent dans les grandes villes, et surtout, ils partagent la religion commune de la majorité des citoyens, que ce soit en Syrie, en Jordanie, en Turquie. En Israël, État qui se définit comme État juif, là encore, leur particularisme leur permet de vivre ensemble. Mais surtout, ce particularisme, il est encouragé par l'État d'Israël, qui encourage ces micro-communautés. Donc, la langue tcherkesse, d'abord, il y a des langues tcherkesses, il y a 12 dialectes, puisque c'est une population qui a 12 tribus originelles. Hein. Le terme tribu, c'est aussi... Ouais, voilà, il y a des parallèles intéressants à faire. Et chaque tribu avait une langue et un chef de tribu et des familles constituantes. Et donc, ces populations, elles ont vécu en autonomie les unes des autres jusqu'à la guerre contre la Russie. En fait, là aussi, c'est un phénomène assez classique. La guerre sert de ciment unificateur dans la communauté. Les Tcherkesses de France, par exemple, parlent très mal le tcherkesse. Les Tcherkesses de Turquie ne le parlent pratiquement plus. Il faut dire aussi que c'est une population de tradition orale qui a eu un alphabet seulement dans les années 60 avec c'est l'URSS, en fait, qui a voulu mettre à l'écrit toutes les langues qui demeuraient orales de l'URSS, donc ça faisait partie. Et donc, moi, par exemple, l'histoire que les personnes âgées, ce qu'on appelle les tramada, les vieux de la communauté, en fait, c'est un peu les griots, en fait, de la communauté, les histoires, les batailles sont racontées en poèmes, en chansons. Ça, la mise à l'écrit, c'est quelque chose de très récent, et surtout la mise à l'écrit a souvent été faite par l'oppresseur, hein, qu'il soit russe dans un souci de mise à l'écrit ou que ce soit par des chercheurs extérieurs. Israël, qui encourage toutes ces micro-identités, a payé en fait un chercheur, un linguiste du Caucase dès les années 70 pour venir former les Tcherkesses à leur propre langue, en fait. Cet encouragement à être si distinct des Palestiniens a beaucoup servi la communauté tcherkesse, puisque tous les tcherkesses sont trilingues. Ils parlent l'hébreu, qui est la langue de l'État, ils parlent l'arabe, qui est la langue du Coran, et ils parlent le tcherkesse, qui est la langue de l'ethnie. Après, moi, en termes pratiques, ce que j'ai constaté sur le terrain, c'est ces espèces d'interlangues. Par exemple, le vocabulaire tcherkesse est très, très faible. Par exemple, vous savez, en tcherkesse, il n'y a pas de mot pour dire non. ce qui en dit beaucoup aussi sur une culture, hein. C'est-à-dire que quand vous voulez pas quelque chose, il faut passer par 30 000 chemins pour à la fin dire je ne peux, mais le mot non n'existe pas. Et par exemple, tout le vocabulaire des émotions est un vocabulaire quasiment inexistant, et donc qui fait appel à l'arabe ou à l'hébreu. Alors, parce qu'en plus, en arabe, il y a un vocabulaire des émotions qui est énorme. Il y a 30 000 façons de dire mon petit chéri adoré, mon petit, etc. Donc, du coup, il y a une fabrique d'une nouvelle langue. Mais les Tcherkesses parlent Tcherkesses au sein du village. Mais là encore, en Israël, il y a deux villages de deux tribus différentes qui parlent deux dialectes différents. Ce sont des dialectes qui sont assez proches pour pouvoir être compris les uns des autres, mais c'est des dialectes qui sont suffisamment éloignés de celui parlé par les Tcherkesses de Jordanie, par exemple. Ils ne peuvent pas communiquer entre eux, et donc ils doivent faire appel à l'arabe pour communiquer entre Tcherkesses. Il y a eu, dans une volonté un peu de renouveau de Tcherkesses, une espèce d'unification de la langue qui, pour l'instant, n'a pas bien fonctionné. Alors, je ne sais pas trop maintenant si ça va pouvoir se développer ou pas, mais les Tcherkesses parlent Chapsour à Kfar Kama et Abzar à Rikhania, mais surtout ils parlent hébreu en dehors du village. C'est des gens qui font leurs études dans les universités israéliennes, qui sont médecins ou instits dans la société israélienne. Mais quand vous interrogez les Tcherkesses, qu'est-ce que ça veut dire d'être un bon Tcherkesse? Il y a encore ce que je disais, être un bon musulman et parler Tcherkesse. Et c'est intéressant parce que ces deux ressorts de ce qui fait la tcherkessité des Tcherkesses sont en fait des ressorts contextuels. L'islam rigoriste, c'est parce qu'on est dans un contexte où ils doivent réintégrer la communauté musulmane sans être palestinien. Et cet accès à la langue est un accès de particularisme de la société israélienne. Et ce que ça développe aussi, c'est un sentiment de très forte supériorité dans la communauté tcherkesse. Parmi les autres d'Israël, parmi les autres communautés tcherkesses. Donc les tcherkesses d'Israël vont vous dire que les tcherkesses en Israël, c'est la forme la plus aboutie de la tcherkessité, par exemple, avec un rapport assez dominant par rapport aux autres communautés. Et on parle de 4500 personnes, hein, 4500 personnes, 1 million en Turquie, mais avec des tcherkesses d'Israël qui vont représenter un poids très important dans les discussions diasporiques maintenant, et qui vont justement utiliser cette tcherkessité réinventée, parce que voilà, elle est comme toutes les identités, elles sont en permanence réinventées. Et donc c'est intéressant que ce soit ça qui soit mobilisé. Mais j'avais fait une étude par exemple sur les prénoms qui sont donnés dans la communauté aux jeunes enfants, et la distinction, il y a à peu près la moitié des habitants des deux villages qui donnent des prénoms traditionnellement tcherkesses, et la moitié qui donnent des prénoms traditionnellement musulmans. C'est intéressant pour moi parce que c'est aussi mettre l'accent sur des choses différentes. Et juste un dernier mot sur qu'est-ce que c'est que la tcherkessité. Même la tcherkessité en Israël, elle est différente puisque ces deux villages sont en concurrence identitaire, puisque le village de Kfar Kama est entièrement habité de tcherkesses et le village de Rikhania est un village mixte avec 25% de Palestiniens. Donc il y a une concurrence des modèles, en fait, puisqu'il y a un modèle mixte et un modèle complètement endogame, et qui sert, en fait, à une espèce de bataille pour savoir qui sont les meilleurs tcherkesses des tcherkesses, 4500 personnes, je le rappelle. Et donc, moi, ça m'a passionné, en fait, ces rapports. Qu'est-ce que ça veut dire être un vrai tcherkesse, un vrai israélien? C'est des questions que je me pose. Qu'est-ce que c'est que d'être juif? Qu'est-ce que c'est que d'être français, breton? Enfin, et ces rapports de concurrence, en fait, ils ne peuvent pas s'exprimer dans la communauté parce qu'il y a une injonction très forte à l'autodiscipline et à ne pas faire tanguer la petite communauté. Par contre, c'est des choses qui se développent, on en parlait tout à l'heure, sur les réseaux sociaux ou avec l'utilisation de pseudonymes, par exemple, où on est un peu allégé des normes sociales, on commence un peu à se lâcher. Et ce qui est dit, c'est que ah ben vous voyez, les gens de Rikhania, parce qu'ils vivent avec les Palestiniens, ils sont de moins bons tcherkesses. Alors ce qui est intéressant, c'est que les études que j'ai faites sur le terrain montrent qu'à Kfar Kama, le ressort de la tcherkessité le plus mis en avant, c'est l'islam, alors que c'est le village endogame. Et à Rikhania, où il y a 25% de Palestiniens musulmans, le ressort de la tcherkessité, c'est la langue tcherkesse. Donc elle est beaucoup plus parlée, en fait, et c'est un islam beaucoup moins rigoureux, et encore une fois, 4500 personnes. Une petite communauté. Merci. Merci beaucoup. Je pense pas, voilà. Merci beaucoup. Alors, je voulais juste dire, je ne pense pas qu'on ait le temps pour d'autres questions. On va continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est d'ailleurs à ça que ça sert les fabuleux. Alors, je